Un matin, en passant devant un superbe rosier qui, la veille encore, était couvert de fleurs, je fus fort surprise de le voir coupé net juste au-dessous de la tête qui gisait à terre. Tandis que sa tige restait attachée à l'espalier d'un petit kiosque, situé auprès de la maison, personne n'avait touché au rosier et ce fait étrange me resta d'une origine inconnue. Mais avant de vous raconter, ma mère, ce que devinrent les roses et le rosier ainsi mutilés, permettez-moi d'entrer dans quelques détails qui expliquent humainement, en quelque sorte, la blessure du rosier et la place où elle fut faite. Détails humains, c'est vrai, et cependant circonstances entrevues de loin avec fierté et confiance par l'amour jaloux du bon Dieu qui se fiait en nous. À cette époque, année 1887-88, il y avait environ 20 ans que notre père chéri avait été piqué à la tête par une mauvaise mouche. C'était dans une de ses excursions à la campagne. Personne n'y fit d'abord attention, car la petite piqûre ne paraissait pas grave. Elle formait simplement une croûte imperceptible qui tombait pour faire place à une autre. Ce mal se trouvait placé derrière l'oreille droite. En 1886, il empira tout à coup et papa dut consulter un spécialiste qui lui fit subir un traitement des plus douloureux, traitement qui augmenta considérablement le volume de la plaie, elle s'étendait à vue d'œil. Constatant ce résultat, mon père prit le parti de ne plus la soigner espérant qu'elle reprendrait son état latent des premières années. Mais le mal s'aggravait toujours et nous consultâmes alors un célèbre docteur de notre ville, qui employa un traitement très suivi, moins énergique cependant que celui du spécialiste dont j'ai parlé. Il consistait à appliquer tous les 15 jours sur la plaie une sorte de pommade rougeâtre, dont l'effet était de faire sortir les gales sur toute la surface du mal, cela en quelques heures. Croûte que je devais ensuite faire tomber à l'aide de cataplasmes. Comme on le voit, ce traitement n'était cependant pas doux. Après l'application de la pommade faite par le docteur lui-même, mon pauvre petit père souffrait de douleurs atroces. Il marchait alors pour oublier son mal qui, disait-il, était à faire perdre la tête. Pendant le voyage de Rome, nous remarquions Thérèse et moi que papa se fatiguait facilement, lui si robuste autrefois, et ce n'était pas sans inquiétude pour nous. Cependant, l'hiver se passa sans incident et Thérèse, en entrant au Carmel, ne pouvait pas prévoir que 2 mois seulement après son départ, notre père chéri serait victime d'une nouvelle attaque de paralysie qui, cette fois, se fixerait pour longtemps. La première, très violente, qui attaquait tout le côté gauche avait eu lieu le 1er mai de l'année 1887. Papa s'en était remis assez vite, puis à quelques semaines de distance, il en avait eu 2 autres semblables, mais un peu moins fortes dont son robuste tempérament avait encore pris le dessus. Ma mère, je m'arrête ici un instant, car c'est ici que commence notre douloureux martyre, je ne chercherai pas à le décrire, au contraire, si je donne quelques détails parce que vous me l'avez demandé, vous me permettrez de les voiler et de passer sous silence les plus pénibles. En cela je ne ferai qu'imiter ma Thérèse qui toucha ce sujet délicat d'une façon si discrète. Cependant je tiens à rappeler cette grande épreuve afin de rendre gloire au bon Dieu de toutes les richesses dont il s'est plu à combler notre famille sans aucun mérite de notre part. Voyez ma mère, si ce n'est pas vrai, dernièrement j'entendais parler d'un vieillard de notre connaissance menacé lui aussi d'une paralysie cérébrale. Sa famille étant très mondaine, je me dis intérieurement, c'est le Seigneur qui, par l'humiliation, va éclairer ses cœurs frivoles et les rapprocher de lui. Je pensais cela, mais le malade mourut au début même de sa maladie. Alors je me reportais à cette même épreuve que nous avions subie jusque dans ses derniers retranchements et de mon cœur s'éleva un hymne de reconnaissance. Il me sembla que la douleur était une telle grâce que tous n'étaient pas jugés dignes de recevoir sa visite et que le bon Dieu, libre de ses dons, la donnait à qui il voulait. Considérant alors cette famille dont je parle, à laquelle le Seigneur n'avait fait que montrer ses trésors et la nôtre à laquelle il les avait donnés. Mon cœur se fondit d'amour pour ce Dieu qui nous a tant aimés. Cependant c'est pour vous seuls, ma mère bien-aimée, que j'écris ces lignes, de même que celles qui vont suivre, vrai secret de confession. Je le sais, je suis trop naïve et je pourrais écrire certaines choses qui ne s'écrivent pas, aussi à défaut de mon jugement j'ai confiance dans le vôtre pour déchirer ces pages une fois que vous les aurez lues. Peu de temps après l'entrée de Thérèse, mon cher petit père perdit peu à peu la mémoire. Il s'en affectait beaucoup et moi je m'en inquiétais. Sa plaie se dessécha, mais sans être guérie, elle était enflammée. On voyait que le mal minait à l'intérieur. Les signes avant-coureurs de la paralysie cérébrale se succédaient avec une telle rapidité que bientôt nous n'eûmes plus aucun doute sur l'issue certaine de la maladie. Mes sœurs du Carmel avaient peine à croire à la triste réalité. Elle ne pouvait se faire à cette pensée et crurent même pendant un moment que je rendais papa malheureuse en le guidant de trop près. C'était pour moi le comble de la douleur. Ma mère, que j'ai souffert alors. Mais bientôt Jésus permit qu'elles comprissent la triste situation où je me trouvais, et elles eurent pleine confiance en moi. Ma mère, pour vous faire une idée aussi juste que possible de ce que nous avons souffert toutes les cinq, de cette épreuve il faut penser que papa n'était pas un père ordinaire. De même que la Sainte Vierge souffrit de la passion de Jésus non comme une mère ordinaire souffre des souffrances d'un fils ordinaire, mais selon la dignité et la perfection infinie de ce fils. Ainsi nous souffrîmes selon la qualité exceptionnelle de l'objet aimé. Mon cher petit père me représente Saint Joseph par sa droiture, sa simplicité. Il était comme lui un homme juste aux yeux de Dieu et de ses semblables. Et au nôtre, il ajoutait aux prérogatives de la paternité celle de la maternité, car il nous entoura toujours d'une tendresse véritablement maternelle. Aussi, c'était un culte que nous avions pour lui. Hélas, par où allait passer l'objet de ce culte de foi filiale, devenu victime volontaire destinée au sacrifice. On dit que c'était la coutume, dans l'Antiquité, de couvrir la tête de ceux qu'on menait au supplice. Cette particularité, nous devions la constater dans le début de la maladie de notre cher petit père. Thérèse enfant l'avait vu par avance, quand elle le considéra le front voilé, il se le couvrait, en effet, comme instinctivement et nous croyions que c'était la violence du mal. Je lui faisais prendre des bains et posais sur sa tête des compresses d'eau glacée, mais rien ne le soulagea. Il va sans dire que, si notre père vénéré eût été paralysé des jambes, il n'y aurait eu rien de plus facile que de le soigner chez nous. La grosse difficulté était que, pouvant marcher seul, son goût prononcé pour les voyages nous mettait dans la triste perplexité de le voir disparaître. C'est ce qui arriva en plusieurs circonstances. Ce fut en l'une d'elles que la Sainte Mère Geneviève entendit ce céleste message, « Dis-leur qu'il n'est pas perdu, il reviendra. » Pendant ce temps, moi je le cherchais avec angoisse sur le littoral et tandis que j'étais partie avec mon oncle, le feu prenait la nuit à une vieille masure attenante au Buissonnet, elle fut brûlée jusque dans ses fondements. Le mur de notre habitation était brûlant et on ne comprit point comment elle ne devint pas la proie des flammes. Ma tante prévenue en toute hâte est venue au secours de cette pauvre Léonie et elles virent dans la préservation si totale des Buissonnais une intervention palpable de la Providence. Je crois vraiment que le démon avait demandé au bon Dieu de nous éprouver comme il fit naguère à l'égard du saint homme Job, car tous les maux fondaient sur nous en même temps. Un matin, avant d'entreprendre ma pénible journée de recherche, c'était au Havre. Je voulus recevoir mon Jésus, mais la messe venait de finir, une autre allait commencer et l'on me refusa assez rudement la Sainte Communion. Ne pouvant attendre je m'éloignai tristement, même le bon Dieu qui ne venait pas à moi dans une angoisse aussi profonde. Je me souviens qu'un jour en me promenant au bord du canal, une autre fois, à Honfleur, je considérais longtemps la profondeur de l'eau, je me disais, ah si je n'avais pas la foi oui, si je n'avais pas eu la foi, La mort m'aurait semblé délectable et mille fois je l'aurais préférée à cette torture du cœur. Nos recherches durèrent 3 jours qui me parurent 3 siècles, après lesquels, comme la Sainte Vierge, je retrouvais l'objet de mon amour. Jamais je n'ai si bien compris sa douleur lorsqu'elle cherchait l'enfant Jésus. Vraiment, je puis dire que j'ai éprouvé quelque chose de semblable à ce qu'a souffert ma mère du ciel. Après cette terrible secousse, nous eûmes un calme relatif qui ne dura pas longtemps cependant. Dans ces moments où la maladie nous laissait un peu des repos, je retrouvais mon père chéri comme autrefois et je le comblais de caresses et de douceurs. À cause de ces périodes de mieux, mon oncle n'avait pas osé lui parler d'abandonner la gérance de sa fortune, on craignait tant de lui faire de la peine. Mais, malheureusement, à cette époque, il s'y intéressait particulièrement et faisait des placements de fonds considérables. Alors, j'offris au bon Dieu le sacrifice d'être réduit à gagner ma vie, si tel était son bon plaisir. Cela ne me paraissait rien à côté de la peine de cœur qui me déchirait. À qu'est-ce que les pertes matérielles ? Le sage avait raison lorsqu'il s'écriait « Toutes les souffrances, mais non la souffrance du cœur, Ecclésiaste. Ces souffrances du cœur sont un chemin de croix que je ne veux pas, ma mère, vous faire parcourir. Ce sont elles qui constituèrent l'acuité de notre épreuve, car c'était justement, parce que notre Père mille fois chéri nous aimait trop, voulut nous sauver de périls imaginaires ou, aimant trop le bon Dieu voulait tout quitter pour lui et s'enfuir dans un désert, que notre douleur fut comme décuplée. Il y avait aussi bien des humiliations à subir. Oui, comme Jésus pendant sa passion, mon cher petit Père fut humilié de toute manière et moi aussi. Cependant, la maladie suivant son cours et la paralysie des jambes ne venant pas, le calice n'était pas bu encore jusqu'à la lie et les événements devenant de plus en plus tristes. Mon oncle me fit entendre qu'il était impossible que nous espérions pouvoir soigner papa davantage, que son intérêt même l'exigeait et il arrangea toute chose pour le placer dans une maison de santé. Ce fut le 12 février 1889 que notre cher petit père nous quitta pour entrer au bon sauveur de Caen. La plume se refuse à dépeindre nos angoisses. Ce mot de bon sauveur, j'évite encore de le prononcer, il me fait blessure au cœur, et cependant qu'il a été bon, notre sauveur, que douce a été sa main pour nous aider à porter notre fardeau. Jusqu'ici, nous n'avions pas laissé voir à papa que nous le trouvions malade, j'essayais de le distraire par toute espèce de subterfuge. Lorsqu'il se plaignait de son manque de mémoire, j'en riais, je lui faisais des malices sur sa barbe qui ne repoussait pas assez vite et sur les prétendus tours qu'il nous jouait. Mais aussitôt qu'il fut dans un autre milieu, il comprit tout, et comment ne l'aurait-il pas compris ? Quand même nous et les bonnes religieuses qui le soignaient eussions pu arriver à le lui cacher, des étrangers se seraient chargés de le lui faire savoir. De même qu'il ne nous a rien manqué à nous, dans cette épreuve, rien ne fut épargné non plus à notre père chéri. Par un regrettable malentendu, des hommes de loi vinrent le trouver pour lui faire signer les papiers relatifs à l'interdiction. Afin de l'y décider, ils osèrent lui dire que c'était de la part de ses enfants. Alors, ce pauvre petit père reprit en sanglotant, « Ah, ce sont mes enfants qui m'abandonnent !» Et il signa, « Ma mère, je ne puis vous dire ce que fut à nos cœurs cette nouvelle blessure. Elle fut la plus sensible. Cette fois la pointe du glaive avait atteint les dernières limites, nos cœurs étaient transpercés de part en part. Cependant, ne voulant pas abandonner notre père chéri comme, sic, il le croyait, hélas, nous allâmes Léonie et moi habiter Caen. Nous logions chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, non loin de l'établissement où il était. Mon oncle nous laissa faire, il consentit même à ce que nous gardions les buissonnes quelques mois. Il espérait que, de nouvelles attaques de paralysie survenant, l'état de santé de notre cher petit père pourrait changer, nous permettant de le soigner nous-mêmes. Mais depuis que la paralysie s'était fixée au cerveau, les membres étaient libres et l'amélioration désirée ne survint pas. Nous restâmes 3 mois chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul. Chaque jour nous allions voir papa. Quelquefois la religieuse nous donnait seulement de ses nouvelles. Mon oncle, voyant alors que nos santés s'altéraient par le chagrin, sans aucun profit pour notre pauvre petit père, us de son autorité pour nous faire revenir à Lisieux, il nous offrit asile dans sa maison et remit les buissonnées au propriétaire ma mère. Je viens de vous dire en quelques pages des volumes de douleur, ces détails sont si peu de choses en comparaison de la réalité qu'il eût mieux valu les passer sous silence. À ces peines, sans joignir d'autres qui nous venaient du dehors, de personnes même qui auraient dû nous consoler, nos amis, en voulant nous témoigner la part qu'ils prenaient à notre épreuve, imitèrent vraiment les amis de Job par leur discours. Comment redire nos parloirs d'alors avec ma Thérèse chérie? Ah, comme elle le dit elle-même, aucun mot des choses de la terre ne se mêlait à nos conversations et, pour jouir bientôt d'un bonheur éternel, nous choisissions ici-bas la souffrance et le mépris, comme le bienheureux Job, dont j'ai déjà rappelé le souvenir. En toute cette épreuve, nous ne péchâmes pas, point dans nos paroles, pas plus que dans nos pensées, baisant constamment avec amour la main chérie de Jésus. Mais ce ne fut pas assez pour nos cœurs de donner à Dieu ces témoignages intimes de notre fidélité et, au fort même de l'épreuve, un ex-voto de marbre fut fixé au-dessous de l'image de la Sainte Face, placée dans la chapelle du Carmel. Il portait cette inscription, « Que le nom du Seigneur soit béni, famille Martin. » À cette fois, le Seigneur n'y tint plus, car il est jaloux de son honneur et, dans la lutte des générosités, il ne se laissera pas vaincre par sa créature. Ma mère, aujourd'hui où 20 ans se sont à peine écoulés, depuis cette sombre épreuve, j'ai peine à retenir mes larmes en considérant les merveilles que le bon Dieu a accomplies, aux voix qui nous parlaient alors d'avenir brisé. Répond l'Église qui s'apprête à placer l'une de nous sur les autels. Nous avions donné un ex-voto de marbre au bon Dieu et la place manque pour ramasser ceux qui sont adressés à sa petite servante Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous considérions avec douleur le nom de notre cher petit père figurant sur la liste des personnes frappées d'interdiction, liste placée dans chaque étude de notaire. Et son nom béni, parcourant le monde, est inscrit à côté de sa petite reine dans des millions de cœurs. Son tombeau entouré d'honneur voit de pieux pèlerins qui, venant de loin s'agenouiller sur la tombe de sa petite fille, ne s'en retourne pas sans avoir salué celle de son père. Ah, je voudrais pouvoir raconter cette histoire à toutes les âmes, il me semble que, touchant ainsi du doigt les miséricordes du Seigneur, elles comprendraient enfin son divin caractère, appréciant alors la douleur comme un bienfait, elle l'accueillerait avec reconnaissance et la terre, rendant pour ainsi dire son Dieu redevable envers elle, s'affaisserait sous le poids de ses bénédictions. Mais il est temps que je reprenne le cours de mon récit. Cette vision de l'avenir nous a fait oublier que nous laissions notre Père vénéré, seul, loin de nous. Rentrés à Lisieux, nous nous installions, comme je l'ai dit, chez mon oncle et toute sa famille nous ouvrait largement son cœur. Ma tante était d'une bonté et d'une délicatesse sans égale et nos deux cousines ne savaient de quelle prévenance nous entourer pour nous adoucir l'épreuve. Toutes les semaines, sans manque, nous allions à Caen voir papa. La première fois que nous revîmes notre cher petit père après la douloureuse séparation du 12 février, la réaction lui donna quelques jours assez bons. Il put alors comprendre toute la situation et faire généreusement son sacrifice. Le bon Dieu le permit ainsi pour lui donner tout le mérite de son épreuve. Les docteurs de l'établissement en lui prodiguant leurs soins lui dirent un jour qu'il le guérirait, mais il leur répondit, « Oh, je ne le désire pas. Je demande même au bon Dieu qu'il n'écoute pas les prières qui lui sont faites à cette intention car cette épreuve est une miséricorde. C'est pour expier mon orgueil que je suis ici, j'ai mérité la maladie dont je suis frappé. » Les médecins n'en pouvaient croire leurs oreilles et la religieuse qui me racontait cette conversation pleurait encore tant elle était émue. « Nous n'avons jamais vu cela ici, nous dit-elle, c'est un saint que nous soignons. » Elle me répéta bien des fois que papa était un saint et qu'elle le soignait comme s'il avait été son père. C'était vrai, et comme nous avions dit de ne rien épargner et lui donner 1000 gâteries, de ce dont papa était très touché mettant sa joie à partager avec ceux qui l'entouraient. Il disait toujours être trop bien soigné. À cette même époque, février-mars 1889, je lui dis que nous allions toutes commencer une neuvaine à Saint-Joseph pour obtenir sa guérison. Il me répondit alors, « Moi, je ne demanderai pas cela, ce que je veux c'est de faire la volonté du bon Dieu. » Ces détails que je viens de rapporter sont à peu près les seules consolations qui, semblables à un rayon de soleil, sont venues un instant réjouir notre ciel. Le dévouement avait la plus grande place dans les visites que je faisais là-bas, souvent j'y étais seule, car ma chère petite Léonie trouvant sa présence inutile profitait de ses voyages pour aller à la visitation. Je me rappelle qu'en attendant au parloir l'arrivée de papa mon émotion était telle que je ressentais des douleurs vives au cœur. Elles arrivèrent au degré d'effrayer ma famille et je subis une consultation de deux médecins, qui recommandèrent de m'épargner toute émotion. C'était difficile. Aussi le bon Dieu se chargea-t-il de me soutenir lui-même dans la tâche aride que j'avais à remplir. Stop, ma mère, ici je vais faire une halte et vous introduire sur une autre scène, en vous révélant une épreuve intérieure et toute personnelle qui va augmenter mes souffrances déjà si vives par ailleurs. Je vais aussi vous décrire ma nouvelle vie en vous dépeignant le milieu dans lequel j'étais. Vous vous demandez peut-être pourquoi, dans ce récit, je me suis comparé à un tison arraché du feu. Sans doute vous avez remarqué que le bon Dieu dans son miséricordieux amour m'a soustraite jusqu'ici à de réels périls, mais l'atmosphère d'innocence dans laquelle il me place à l'aurore de ma vie ne justifie pas complètement l'appellation que j'ai choisie et pourtant elle n'est que trop vraie, vous allez en juger. L'épreuve qui précède et la manière dont elle fut accueillie sont la confirmation palpable de cette maxime de Saint Jean Chrysostome, pour retirer de grands avantages de la tribulation il faut la supporter avec action de grâce. C'est là le point important et l'épreuve qui va suivre est la confirmation évidente de cette autre parole du même saint. Ce fut un miracle bien plus digne d'admiration de conserver la vie des trois enfants dans la fournaise que d'en éteindre le feu. Ma mère, c'est cela que Jésus fit pour moi. Ne se contentant pas de nous avoir broyés par la douleur, le démon demanda de me perdre. Il voulait au moins faire manquer la vocation de l'une d'entre nous. Mais s'il obtint de tenter, il n'obtint pas de perdre, ou plutôt, voulant me perdre, c'est lui qui perdit et Jésus fit un plus grand miracle en laissant son tison intact au milieu du feu qu'en défendant à Satan de le plonger dans ce feu. Une autre comparaison me vient souvent à l'esprit pour exprimer ma pensée sur l'action de Jésus en moi. J'ai entendu raconter par mes sœurs aînées ce fait, dont elle avait été témoin à Paris, un dompteur s'encombre à dessein de toute espèce d'animaux, dans une seule cage, depuis l'éléphant jusqu'au lion. Il y avait même un petit agneau et, par la force de son regard, il obligeait le lion à le soutenir, allant même jusqu'à introduire dans sa gueule la tête du doux animal, sans que le fauve osât y toucher. L'agneau tremblait, mais il sortait de là sans qu'aucun mal lui soit arrivé. Ainsi Jésus, le divin dompteur, agit-il souvent avec moi laissant approcher le danger pour augmenter ma confiance dans son secours et mon humilité de me sentir si faible, pour humilier aussi mon féroce adversaire, confus de n'avoir pu me perdre. C'est bien toujours la prière du Pater qui est exaucée à la lettre. Dieu, notre Père, ne nous supprime pas la tentation, mais il ne nous y laisse pas succomber et il nous délivre du mal. Il me faut vous dire, ma mère, qu'il m'arriva plusieurs fois dans ma vie d'avoir des songes assez significatifs. Je sais bien que la Sainte Écriture dit à ce propos, que là où il y a beaucoup de songes il y a beaucoup d'illusions, Proverbe, mais cependant il me faut convenir que j'en eus quelques-uns d'assez symboliques, ou pour me consoler dans mes peines, ou pour augmenter mes troubles. Pour ces derniers je les méprisais toujours. Quant au premier, je m'en servis simplement comme on se sert d'une lecture qui vous a fait du bien. Avant de vous raconter un rêve que j'ai fait lorsque j'étais à Caen pendant les 3 mois que j'y habitais pour demeurer auprès de mon père, je vais vous confier quelque chose qui, peut-être, va vous étonner. Jusqu'à cet âge de 20 ans, malgré mon esprit perspicace qui fouille les questions jusque dans leur profondeur, j'étais parfaitement ignorante des choses de la nature. Le Seigneur avait jeté sur elles un voile que je ne cherchais pas à déchirer. Lorsque Jésus veut séduire un cœur, il agit comme les fiancés de la terre et s'entoure de charme. Oh, qui dira ce que furent pour moi les charmes de la virginité? Je fus captivée, séduite par cette beauté qui n'est pas de la terre. Par elle, il me semblait que l'homme devenait l'égal des anges et commençait dans un corps mortel cette vie éternelle où il n'y aura plus d'époux et d'épouse, où nous serons tout comme les anges de Dieu. Je me disais, à quoi bon entreprendre sur la terre un genre de vie qui doit avoir une fin? Je préfère commencer dès maintenant ce que je ferai toute l'éternité. Et j'étais heureuse de m'offrir entièrement au Seigneur comme une victime toujours immolée. Qu'est-ce après tout que quelques années de sacrifice pour avoir l'immense avantage de posséder un cœur libre? Car je considérais ce bienfait, la liberté du cœur, comme la récompense immédiate des jouissances de la terre sacrifiée. Et peut-il exister une comparaison entre un bien de l'ordre naturel et un bien de l'ordre surnaturel? Il y a autant de différence qu'entre un morceau d'argile et une mine d'or. Une fois que Jésus m'eut élevé au-dessus des biens inférieurs, il voulut me dégager aussi des biens du cœur. J'aurais désiré aimer et être aimé, la famille avait pour moi beaucoup d'attrait, mais surtout ce que j'estimais le plus c'était l'amour conjugal. Il me semblait que cet amour était le dernier mot de deux cœurs unis. L'amour paternel et maternel me semblait idéal aussi, mais je pensais que les enfants étaient destinés à quitter les parents, et avoir eux-mêmes d'autres affections, et c'est à cause de sa stabilité que l'amour de l'époux et de l'épouse me paraissait supérieur. Jésus s'offrit alors à moi pour être mon ami, mon compagnon, il se fit mon fiancé. C'est toujours sous cet attribut que je le considérais dans l'intime de mon âme. Ce Jésus, mon bien-aimé, avait grandi avec moi. Je l'avais toujours connu, toujours aimé, n'était-il pas naturel que je le choisisse pour époux? Dernièrement, un saint religieux auquel j'avais ouvert mon âme m'écrivait : faites jouir celui qui, pour vous gagner, vous avoir toute, a tant aimé et tant souffert. Au premier abord, ces paroles ne produisirent aucun effet sur moi, c'est ce qui se dit à toutes les âmes puisque pour toutes Jésus a souffert. Et sans s'en rendre compte, on est presque tenté de ne pas lui en savoir gré. Pensant bien à tort qu'à une âme prête à sauver, sa passion aurait été la même. Mais Jésus a daigné m'instruire et ses paroles m'ont semblé lumineuses. Non, ce n'est pas en bloc que Jésus a sauvé les âmes, ce n'est pas en général que la divine providence s'occupe de nous. C'est un rachat personnel, c'est une surveillance individuelle. Pour m'en rendre compte, je n'ai qu'à jeter les yeux sur ma vie et je vois Jésus aussi assidu à mes côtés que s'il n'eût eu à prendre soin que de moi. C'est à chaque instant que son esprit m'inspire, que sa grâce me fortifie. Et puisque je suis sur le chapitre de ma jeunesse, je puis dire qu'en la repassant dans ma mémoire, je touche du doigt ses 1000 prévenances, ses détours habiles pour me gagner, pour m'avoir toute. À que de mal ne lui ai-je pas donné, lui, essayé d'un moyen, puis d'un autre pour me séduire, plus empressé autour de moi qu'aucun amant ne peut l'être auprès de sa bien-aimée. Comme il nous a laissé notre liberté, il réussit ou ne réussit pas dans ses avances, c'est ce qui lui rend la conquête d'un cœur si précieuse, car si fatalement nous devions nous laisser prendre par lui, ce ne serait plus intéressant. Nous en étions là de notre ineffable intimité lorsque le démon proposa de me présenter un choix tout opposé. Jésus accepta et parut se retirer, mais il habita toujours dans le fond de mon cœur. Il est vrai que je ne le sentis plus, le bruit des vagues, le vent et la tempête déchaînée sur la surface de l'océan me faisaient oublier le calme de ses profondeurs. Le démon suivit à sa façon la même méthode que Jésus, c'est-à-dire, avant l'attrait du cœur, il me proposa l'attrait des sens. Mais, Comment allait-il s'y prendre? Le terrain ne semblait pas propice à cette semence, il n'était point préparé pour elle, puisque jusqu'ici il avait été cultivé par Jésus. Ce fut à l'heure des ténèbres, pendant mon sommeil, que le fourbe donna son premier assaut, dans un songe horrible où lui-même en personne vint m'instruire. Le matin à mon réveil je savais toutes choses, mais j'attrapais mon adversaire, car au lieu d'être bouleversé, ne trouvant point là ce premier ouvrage du Créateur où tout était beau, le péché ayant fait, comme le dit Bossuet, un nouvel ouvrage qu'il faut cacher, je remerciais cependant mon étrange professeur du service qu'il m'avait rendu et je m'écriais quand même avec le psalmiste, ô Dieu, que tes pensées me semblent ravissantes. Psaume 139, 17. Quelque temps s'écoula, l'esprit du mal n'osait plus revenir. Du côté de l'imagination il n'avait rien obtenu et sa bave d'enfer avait glissé sans laisser d'empreinte. Mais profitant de son heure il voulait user toutes ses ressources avant de se dire vaincu. Voyant que du côté des pensées il ne pouvait rien, puisque Jésus avait fortifié la place, il entra dans le jardin et comme un sanglier se mit à labourer la terre avec fureur. En peu de temps il dévasta tout, fleurs, cascades, bosquets avaient disparu. Oui, un aiguillon m'avait été donné dans ma chair et cette fois je ne pus m'en débarrasser. Comme St Paul je demandai avec larmes au Seigneur de l'éloigner de moi et comme au grand apôtre il me fit cette réponse. Ma grâce te suffit, car la force se fortifie dans la faiblesse. Il me fallut donc coûte que coûte supporter cet aiguillon, mais afin qu'il ne me blessât pas mon directeur s'empressa de me conseiller de faire au plus tôt le vœu de chasteté. Ce fut le 8, illisible, 1889 que je le fis pour la première fois. La permission de me lier ainsi m'était donnée pour un an. Comment redire mes souffrances, ô ma mère? Le désordre était entré chez moi, il y régnait avec une arrogance et une fureur digne de mon ardente nature. J'aurais voulu me rouler par terre, mais non, cela ne m'aurait pas soulagé. Que faire? Ah, je n'avais plus qu'un refuge. M'asseyant sur la commode où la statue miraculeuse de Marie était placée, j'étreignais dans mes bras ce portrait de ma mère. Je me cachais à l'ombre de son manteau virginal et je la suppliais de me soustraire aux flèches de l'ennemi. Mes nuits où elles se passaient dans des cauchemars affreux auxquels je préférais les assauts du jour parce que moi je jouissais de ma volonté pour éprouver toutes ces horreurs. Mais à quoi me servait-elle ma volonté puisqu'elle n'éloignait pas la tentation? Cette lutte était affreuse et cependant ce n'était que le début de l'épreuve. Après avoir labouré la terre ou plutôt en continuant de la labourer sans relâche, l'esprit infernal voulut planter des fleurs dans son jardin pour voir si elles allaient pousser, il les soignait si bien. La terre est préparée, se dit-il, des anciennes plantations plus aucun vestige. La victoire est à moi si, présentant l'occasion au désir je puis atteindre le cœur que dis-tu là, Satan est. Saint désir que ce sentiment cent fois maudit que tu imposes à ma nature n'importe, il n'entend rien et dans sa rage il prépare d'autres assauts. Avant de vous les faire connaître, ma mère, il faut que je vous introduise dans le nouveau milieu où je vivais alors. Au sortir du pénible trimestre passé à Caen, mon oncle et ma tante, comme je l'ai dit, nous offrirent à Léonie et à moi une hospitalité affectueuse. Ce n'était pas le même intérieur qu'au Buissonnet, mais il ne manquait cependant pas de charme. Au Buissonnet c'était la vie patriarcale dans tout ce qu'elle offrait de plus délicieux. Les coutumes mondaines nous étant à charge nous avions secoué le joug, estimant que la liberté est la plus douce des jouissances. Nous ne nous étions point créés d'obligations, nous aimions à recevoir ou à aller chez des amis quand bon nous semblait, mais non pas en manière d'étiquette. J'ai toujours entendu le monde se plaindre de faire des visites, je l'ai vu s'y réjouir quand monsieur ou MME ne sont pas visibles et monsieur et MME se félicitaient d'avoir été absents. À ce compte-là, le résultat étant qu'on se gêne de part et d'autre, ne vaut-il pas beaucoup mieux se faire un intérieur heureux et vivre en famille? Tel était donc notre maxime au Buissonnet. Chez mon oncle, c'était aussi un bel épanouissement de vie chrétienne, mais de vie chrétienne extériorisée. On s'intéressait à la politique, aux usages du monde. Mon oncle était à la tête de toutes les œuvres et en rapport constant avec les plus hauts personnages. Au moment où j'entrais chez lui, un héritage venait de le rendre possesseur d'une grosse fortune et de magnifiques propriétés. Mes cousines Jeanne et Marie avaient l'âge de s'établir ainsi que les neveux et nièces de ma tante. Les deux familles étaient très unies et se voyaient beaucoup. J'arrivais au milieu de cette jeunesse gaie et charmante. Ce fut un véritable changement de vie avec les Buissonnais, tout était nouveau pour moi, mais loin de me charmer, cette nouvelle existence me fit faire des expériences nombreuses, et voyant de près le monde, j'appris à le mépriser, plus profondément encore que je ne l'avais fait de loin. À l'époque où je suis rendue, une des nièces de ma tante était fiancée et il y eut échange de dîner entre les deux familles, un souffle mondain planait là où naguère. On se contentait d'une honorable aisance. Oh que la richesse est dangereuse, c'est comme la glu, même quand on ne s'y attache pas, rien que de la toucher souille. Nous nous trouvâmes donc souvent en rapport avec les neveux de ma tante, l'un d'eux, vrai type de militaire qui n'avait renoncé à cette carrière que par déférence pour ses parents, me prit en affection, soit chez lui, soit à la maison, il lui fallait toujours être près de moi. Comme il le demandait hardiment quand il n'y était pas, on finit par le placer définitivement auprès de moi à table, afin d'éviter des esclandres. Le dîner était-il fini, il me prenait dans ses bras, bon gré mal gré, et me faisait faire un tour de valse. La première fois je résistais en montrant beaucoup de mécontentement, mais il ne m'écouta pas et je crus avec mon directeur qu'il valait mieux me laisser faire. Il aurait bien voulu m'embrasser, cependant il n'osait pas, ce ne fut qu'à la noce de Jeanne ou après m'avoir conduite toute la journée, car j'étais demoiselle d'honneur, il demanda à ma tante permission de le faire. Oh ce baiser, je me le rappellerai toujours, ce fut du sel jeté sur un brasier. En cette épreuve comme en toutes les autres, je devais goûter jusqu'à la raffinerie, n'ayant sans doute pas assez de subir toute seule l'effort du feu. On venait la tiser du dehors. Ma cousine Marie, qui m'aimait beaucoup, crut me faire plaisir en me rapportant certaines conversations qu'elle avait eues avec ses cousines. « Si tu savais, me dit-elle un jour, combien, t'aime, il raffole de toi. Ah, je n'avais pas besoin qu'on me le dise, je m'en apercevais assez. » Et cependant cette révélation me fut faite plusieurs fois sous des aspects différents. Ma mère, il me semble inutile d'entrer dans plus de détails, vous avez dû comprendre la liaison qui existe entre cet ange de Satan qui m'avait été donné pour me souffleter et cet assaut fait à mon cœur aimant. J'ai souffert à en mourir. Plongée tout entière dans le feu, je ne savais si j'étais un tison d'enfer ou si quelque espérance de salut existait encore pour moi. Dans cette incertitude, il me passait des moments de désespoir affreux. Un jour étant entré à l'église pour prier, je fus saisi d'une telle angoisse que je voulus crier, « Je suis damné », mais ma langue s'attacha à mon palais. Depuis je ne pouvais passer à cet endroit d'en tressaillir. Oh ma mère, quelle lutte! J'étais à Jésus tout seul, je lui avais donné ma foi, mais où était-il parti? Il me laissait seul en proie aux fureurs de l'ennemi. Tout se tournait contre moi jusqu'à ma simplicité même. Car au lieu d'être saisi d'horreur pour tout ce qui aurait porté atteinte à ma virginité, je trouvais belle aussi la vocation du mariage, j'avais pour ainsi dire deux vocations, deux attraits. Oh quelle torture! Sainte Thérèse disait que la pensée de l'homme l'aurait retenu sur la pente de l'abîme. Mais moi je sentais que le cœur était plus fort que tout le reste et que devant l'impétuosité de son courant les sentiments les plus nobles et les plus fins auraient été balayés. Oui, mon égarement aurait pu aller jusque-là, je le sentais bien. Les pensées les plus extravagantes s'emparaient de moi, par instants je me demandais si j'avais encore ma raison. Il y avait comme deux personnes en moi, d'un côté je me réjouissais d'être tenu par mon vœu. De l'autre je haïssais mes chaînes, et comme ma volonté ne me faisait pas planer, malgré les efforts que je lui faisais opposer au démon, j'en concluais qu'il n'y avait rien à faire dans cette sorte de tentation et qu'on était vaincu d'avance. C'est pourquoi je croyais que j'étais damné sans appel. Je dis-je, ce n'était pas moi qui croyais à cette fatalité, à cette prédestination à l'enfer, c'était la voix du chien maudit qui aboyait sans trêve autour de ma demeure, c'était elle qui me soufflait cela pour me faire désespérer. Vous me direz peut-être, ma mère, mais vous aviez le Carmel, ah c'était encore une de mes souffrances, croyant que j'étais un ordure. Je n'osais pas parler de tout cela à ma Thérèse, j'aurais eu peur de la soulier. Quelques mots échappés par-ci par-là à mes sœurs leur faisaient bien pressentir mes luttes, mais ce n'était qu'un pressentiment dont elles durent cependant parler au bon père Pichon, car pour m'encourager elles me dirent un jour qu'il leur avait écrit que j'avais une bien belle âme et que j'étais un vase d'élection. Un vase d'élection, est-ce bien lui qui avait pu dire cela, lui qui recevait toutes mes atroces confidences, en note, le 21 septembre 1893, il écrivait à Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, « Chérissez votre Céline, elle le mérite, je le sais mieux que vous. » Notre Seigneur l'a conduit à des cimes par un chemin après escarpé 1951. J'essayai que cette révélation me fit du bien, je fis en sorte de me persuader que mon âme était belle et que j'étais une élue de Dieu puisque ceux qui me connaissaient le disaient. Mais cette consolation ne faisait qu'effleurer mon âme et la réconforter un instant. Était-ce bien vrai que Jésus m'aimait encore? Ne détournait-il pas ses yeux de moi avec dégoût? Quant à moi, je lui étais resté fidèle et je l'aimais toujours. Lorsque la tourmente fut arrivée à son paroxysme, sans que je susse comment Jésus se leva, il commanda au vent et au flot et il se fit aussitôt un grand calme. Ma petite nacelle avait été ballottée par les vagues encourues menacées par la foudre pendant près de 2 ans. J'ai lu dans la vie de saint Thomas d'Aquin qu'un ange du Seigneur vint lui cindre les reins afin qu'il ne ressentît plus la révolte de la chair. Quant à moi, je ne sais pas si un envoyé de Dieu m'a rendu ce service. Tout ce que je sais, c'est que depuis ce moment, une ceinture de pureté a remplacé pour moi l'aiguillon. La paix fut si complète et si durable que j'arrivais presque à oublier que j'avais un corps tant il me semblait ne vivre que par l'intelligence et le cœur. Maintenant, si je veux analyser ce qui se passa pendant cette épreuve et quelle fut ma coopération à la grâce, je remarque que cette coopération n'a consisté que dans une souffrance passive et une volonté dont l'unique occupation était de désavouer. C'est Jésus seul qui a remporté la victoire sans aucun mérite de ma part. Ma force a été simplement en silence et en espérance, comme le dit notre sainte règle. En silence parce que je ne fis rien paraître dehors des pensées qui me torturaient, personne ne s'en douta, j'avais même l'air indifférente, ma cousine Marie, avec laquelle j'avais beaucoup d'intimité, ne le pressentit jamais. De plus, le bon Dieu permit que je ne laisse jamais échapper une parole de sympathie pour celui qui me recherchait, il pouvait croire que ces assiduités étaient prodiguées en pure perte. Ah, je n'aurais eu qu'un mot à dire, qu'un regard. Quand j'y songe, je suis saisi d'épouvante, ma vocation a été si près de sombrer. Il semble que cela ne tenait qu'à un fil et si j'avais été infidèle, ce fil se brisait. Mon silence sur cette épreuve fut si complet que je n'en parlais même pas à mon confesseur, qui n'en sut jamais un mot. Mon directeur, le P. Pichon, étant minutieusement tenu au courant, cela suffisait pour me sentir en sécurité. Puisque je n'avais rien à me reprocher, pourquoi aurais-je agité cette question? Il se serait produit le même résultat que lorsqu'au combat des Blancs d'Eux, la mousse aurait monté, mon imagination se serait excitée, aussi je préférais m'entourer de calme. J'avais pour maxime que tout ce qui trouble vient du démon et comme ma volonté était droite, je rejetais impitoyablement sur lui tout ce qui aurait voulu faire sombrer ma paix, que j'ai toujours conservée intacte grâce à Dieu. Vous allez penser, ma mère, que vous n'y comprenez rien. Il n'y a qu'un instant je vous ai dépeint une guerre à outrance dans laquelle je me croyais vaincue et je dis tout à l'heure que je n'ai pas un seul instant perdu ma paix intérieure. J'avoue que je n'y comprends rien non plus, et pourtant c'est vrai, je pourrais l'affirmer. En y réfléchissant, je crois tout simplement qu'il est tout naturel qu'il en soit ainsi, car lorsque Jésus nous a appris à prier, il ne nous a pas conseillé de solliciter d'être délivrés de la tentation mais seulement la grâce de ne pas y succomber. Eh bien, la tentation qui réduisait tout mon royaume à feu et à sang mettait mon âme aux abois, voilà la guerre et Jésus en même temps me délivrait du mal, voilà la paix. Si ma force était en silence, elle était aussi en espérance. J'avais en mon Dieu une confiance invincible et tout en croyant mériter sa disgrâce, je le suppliais d'avoir pitié de moi et j'étais certaine qu'il me délivrerait, ou tout au moins qu'il ne permettrait pas que je l'offense. J'avais écouté ses préceptes lorsqu'il m'avait dit « Ma fille, soutiens ton père dans sa vieillesse. Son esprit viendrait-il à s'affaiblir, sois indulgente, et ne le méprise pas dans la plénitude de tes forces aussi j'avais le droit de compter sur la récompense, car le bienfait à un père ne sera pas mis en oubli, et à la place de tes péchés, ta maison deviendra prospère. Au jour de ta tribulation le Seigneur se souviendra de toi, comme la glace se fond par un temps serein, ainsi se dissiperont tes péchés. » Écl. 12, 13, 14, 15. Ma mère, oui, le Seigneur s'est souvenu de moi, voilà tout le mystère de ma préservation. Ah, vous comprenez maintenant combien j'ai dit vrai quand j'ai comparé mon âme à un tison arraché du feu. Oh, si jamais je ne pourrais le remercier assez, celui qui m'a sauvé. Qu'ai-je fait pour m'attirer cette grâce? Les grands saints se levaient devant Satan comme des géants formidables, atteints par l'aiguillon ils se roulaient dans les épines, ou se plongeaient dans l'eau glacée, et par leur valeur ils éteignaient le feu. Moi dans ma faiblesse je me suis contenté de ne pas souffler dessus. À la vérité, le feu ne s'est pas éteint alors, mais puisque c'est un plus grand miracle que Jésus a fait de conserver son tison dans l'ardeur de la flamme que d'avoir étouffé cette flamme. Gloire soit rendue à sa puissance, qui a triomphé en moi avec plus d'éclat. Hélas, lorsque je considère le nombre incalculable de pauvres âmes aveuglées par le démon qui leur fait miroiter devant les yeux les plaisirs des sens et les attraits de l'amour humain, je suis saisi d'une grande tristesse. Je voudrais pouvoir aller les trouver et leur dire combien il est facile de sortir du creuset, plus pur qu'on y était entré. Si nous étions livrés à nos propres forces, évidemment ce serait impossible et la voix maudite du serpent est vraie en cela, allusion à la parole entendue, voir page 317, fin du premier alinéa. Oui, à mon humble avis, sans un secours direct du ciel, ces combats sont de ceux où on est vaincu avant d'être entré en lice. Sans ce secours d'en haut, la chute est absolument certaine et le sage a raison lorsqu'il dit: le vertige de la passion séduit un esprit même éloigné du mal, écle, car la chair étant le poids qui nous entraîne si Jésus ne retient on tombe véritablement. De même qu'il est impossible qu'un homme jeté du haut d'un navire dans la mer avec une meule de moulin au cou ne tombe pas dans l'eau et quand il y est tombé puisse nager et se sauver, de même il est impossible de se tirer soi, même de l'océan de la tentation. La meule du moulin c'est notre concupiscence, le démon s'en sert, mais elle n'est pas sur son compte, elle est sur le nôtre, ce qui est sa part, à lui, c'est l'action de nous jeter à la mer par la tentation. Oh mon Dieu, comment ferons-nous pour nous sauver de ce double péril si vous-même ne venez à notre secours? Puisqu'il est évident que, sans le secours de Dieu, nous sommes perdus, il faut donc demander ce secours et se l'attirer. On le demande par la prière, on se l'attire par la fidélité aux petites choses et par la confiance en Dieu. Pour moi, je sentais bien que si j'avais le malheur de me donner un instant de relâche, j'étais perdu. Aussi j'étais plus stricte que jamais à mon règlement, plus vigilante du côté de la vanité. Je me rappelle qu'au mariage de ma cousine Jeanne, sa sœur Marie et moi, qui étions demoiselles d'honneur, fîmes une grande attention sur ce point. Nous en étant tenus à une distinction sobre pour notre toilette, nous ne voulions même pas soigner notre coiffure plus qu'à l'ordinaire afin de n'attirer les regards en quoi que ce soit. À cause de l'état de mon âme, je cherchais avec soin toutes les occasions de me mortifier. Le miroir fut banni et je me souviens qu'à la soirée je fis une grande attention de ne pas croiser les pieds parce que c'était un geste gracieux et je les rentrais même sous ma robe pour me priver de voir et de montrer mes charmantes chaussures. Découpées. Ces petits riens sont peu de choses, mais ils sont le lien qui nous attache à Jésus, le lien qui nous empêche de tomber. Ainsi nous restons entre ciel et terre avec notre meule au cou, ou si nous touchons les flots, loin de nous engloutir, il nous porte mollement. Si au contraire, brisant ce lien des petits sacrifices et de la vigilance, nous disons à Jésus, « Je suis lasse de combattre à force aussi inégale, je vais me laisser aller à la merci des circonstances si vous voulez me sauver, vous êtes tout puissant. » Si on dit cela, on imite les bourreaux qui, après avoir cloué Jésus à la croix, disait « Si vous êtes tout puissant, descendez de la croix. » Il ne descendit pas, bien qu'il fût tout puissant, et il ne viendra pas non plus au secours de l'imprudent qu'il aura lié par ses infidélités. Aussi, dans sa bonté, il y vient à la fin pour empêcher la perte finale, ce ne sera qu'après l'avoir humilié par bien des chutes. C'est qu'en effet, la chute est souvent la punition de l'orgueil. Le sage l'a dit, le commencement de tout péché c'est l'orgueil, prof, aussi on peut bien être certain qu'il n'y a que les orgueilleux qui tombent, ceux qui ont présumé de leur force ou qui, abandonnant les rames, ont tenté Dieu. Les petits, les faibles, ceux qui se confient humblement dans le Seigneur faisant petitement tout ce qui est en leur petit pouvoir, ceux-là ne tombent pas. À ma mère, je trouve qu'on ne dit pas assez aux âmes cette vérité si simple et si consolante. Dans notre orgueil nous voulons pour ainsi dire oublier que tous, sans exception, nous sommes pétris de boue et nous n'osons pas soulever ces questions-là. Les enfants des ténèbres, eux, osent bien les soulever, mais c'est pour dire aux âmes dans des romans ignobles, « Ouvrez vos portes, vos fenêtres. » Toutes vos issues afin de respirer à plein poumon l'atmosphère voluptueuse que nous faisons danse autour de votre demeure. Et nous, sous le prétexte d'une réserve de bon ton, nous faisons le silence autour de cette importante question, laquelle intéresse presque tout le monde et les pauvres âmes se perdent faute de conseils, faute d'espérance. Ah si je pouvais, ma mère, que mes désirs sont grands de voler auprès des pauvres âmes tentées, des pauvres cœurs séduits, je leur raconterai mes peines, mes petits efforts et la victoire qu'a remportée Jésus. Je leur dirai que cette victoire est assurée moyennant une facile et toute petite coopération. Je leur dirai ces paroles empruntées à Anne au Saint-Livre, « Quand j'étais encore jeune, avant de m'égarer dans la voie de l'erreur, j'ai prié ouvertement pour obtenir la sagesse. » En voyant sa fleur comme à la vue d'une grappe qui se colore, mon cœur se réjouissait en elle. Je l'ai demandé devant le temple. Pour elle mon âme a lutté et j'ai apporté un grand soin à mes actions. Vers elle j'ai dirigé mon âme, avec elle mon cœur a suivi le droit chemin, et la pureté de la vie je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement j'ai acquis l'intelligence, c'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Pliez votre cou sous le joug que votre âme reçoive la sagesse. Il n'y a pas à aller loin pour la trouver. Voyez de vos yeux que j'ai travaillé peu de temps et que j'ai trouvé un grand repos. Écle 41. Ce que Jésus demande c'est donc la prière et la simple action de plier son cou sous le joug qui n'est autre que d'apporter un grand soin à ses actions. Sur la terre, moyennant une rétribution on s'assure contre tous les accidents et même sur sa propre vie, pour s'assurer aussi la miséricorde et la compassion du bon Dieu il faut une légère redevance. Mais qui ne voudrait la payer pour obtenir une telle sécurité? Ma mère, il est temps que je m'arrête, car sur ce sujet je ne tarirai pas, si je m'écoutais. Pour vous faire oublier cette trop longue dissertation voici un petit trait qui vous fera sourire. Au moment où parut le journal La Croix pour la première fois, nous étions encore jeunes Thérèse et moi. Nous nous trouvions sur le boulevard nous rendant au Buisson et quand nous entendions crier « Villa le journal La Croix, 9 centimes seulement au premier abord », nous crûmes que nous avions mal entendu, mais percevant toujours le même son. Nous nous mîmes à rire, il faut convenir, dit Thérèse, que ce n'est pas cher un sou pour aller par le chemin de la gloire à ma mère, quand j'ai été en train de le payer ce sou, ça m'a coûté et j'ai trouvé que je donnais des millions. Mais aujourd'hui un sou en compensation de la brillante victoire qu'il a remportée dans mes états. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Les Yeux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.